55 minutes. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, fidèles auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à ce rendez-vous de l'édition de la mi-journée du journal en langue française de ce mercredi 14 avril 2021. Débutons par les titres. Meurtre dans un bistrot par un militaire du grade de caporal-chef d'un jeune homme de 33 ans sur la colline Wulinga, commune Gihanga de la province Bubanza, dans la nuit de ce mardi. La victime a reçu 3 balles dans la poitrine et est morte sur le champ. Le militaire est dans les mains de la police pour enquête. Le ministère de la Défense appelle les militaires d'éviter de fréquenter les bistrots pour prévenir ce genre de crime. La justice est la seule habilitée à présenter publiquement les présumés auteurs des crimes et infractions. C'est la réponse de Sixte Vigny Nimouraba, président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, aux inquiétudes de certains parlementaires ce mardi lors de la présentation des réalisations de 2020 de cette commission. La chronique parlera sur moi, expose sur la propagation des fausses informations et comment les prévenir. Voilà pour l'essentiel. Au micro, vous êtes avec Armel Moutor et Alphonse Koubguimana sur la mise en onde. Bonjour, débutons ce journal en page santé. Le secteur des laboratoires est à un niveau satisfaisant au Burundi. Le point de vue est du secrétaire de l'Association nationale des technologistes biomédicaux du Burundi. ANNT Bou en sigle, c'est au moment où ce vendredi 15 avril, le monde va célébrer la journée du biotechnologiste. Mais Pascal Boutoy dit qu'il y a des améliorations à faire puisque le domaine des technologies ne cesse d'avancer. Il en appelle aux volontaires de répondre présents ce vendredi dans la campagne de dépistage gratuit des hépatites B et C, du diabète et du don volontaire de sang qui va se dérouler à l'Institut national de santé publique. Suivez. Le système sanitaire, il est conseillé que task laboratoire est bien organisé. Jusqu'à maintenant, c'est bien organisé. Et même les professionnels, là où ils sont affectés, ils sont bien organisés. Malgré qu'il y a peut-être des imperfections à améliorer. Et là, je veux dire, par exemple, l'organisation depuis le niveau central jusqu'au niveau périphérique, mais aussi l'affectation des professionnels de laboratoire, donc qui ont fait la professionnels de laboratoire, donc ces technologistes, l'affectation dans des différentes structures pour pouvoir combler, donc là où il y a un manque. En fait, au Burundi, le laboratoire, je ne peux pas dire que nous sommes satisfaits de l'état de laboratoire au niveau du Burundi, mais quand même, on a un pas parce que vous savez, on est au Burundi, on ne peut pas se comparer avec les pays comme l'Inde ou bien comme la Chine, mais quand même, on est fait de là où nous sommes, malgré qu'on a amélioré. Et quand vous dites que vous voulez une comparaison par rapport à là où on fait les transferts des échantillons à l'extérieur du pays, ce qui est normal. Ce n'est pas le Burundi, c'est le mal là où on peut faire le transfert des échantillons vers l'extérieur du pays. Ça dépend en fait des capacités de diagnostic dont vous disposez. Et cela, ce n'est pas le Burundi, c'est le mal. Donc, dans certains pays africains, il y a des tests, il y a des analyses qui ne peuvent pas donc réaliser sur place, dont ils ont besoin de transférer des échantillons donc à l'extérieur pour les analyses. D'abord, l'appel que je dois lancer à nos collègues, les professionnels de laboratoire qui sont regroupés dans l'association Antebo, même aussi ceux qui ne sont pas donc, dans l'association. D'abord, le laboratoire, d'abord, c'est le pilier de la médecine. C'est pour alors, pour être professionnel, il faut donc faire un recyclage. Et voilà, alors ce vendredi, quand on a prévu de faire cette journée internationale, on a prévu certaines activités, dont le diagnostic des hépatites virales B, des hépatites virales C. On a prévu aussi de faire le dépistage de la diabète, mais aussi on a prévu une campagne pour le don de sang. J'appelle donc tous les technologistes biomédicaux du Burundi donc, de participer massivement pour montrer les capacités. C'était Pascal Boutoy, secrétaire de l'Association nationale des technologistes biomédicaux du Burundi. Page droit de l'homme à présent, la présentation publique des présumés auteurs des infractions et du ressort de la justice. Une déclaration faite ce mardi par le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme à l'Assemblée nationale lors de la présentation du rapport des activités de 2020. C'est en réponse aux inquiétudes de certains parlementaires sur les différentes formes de violation des droits de l'homme au Burundi. Mireille Kanyang. Dans certaines des réalisations de la CNIDH durant 2020 figure la visite dans les cachots où 5016 croupissaient. Sur cet effectif, 604 ont pu être libérés, se réjouit le président de cette commission. Certains de ces détenus ayant d'abord été présentés par la police au public, des élus du peuple sont revenus ce mardi sur cette situation qu'ils qualifient de violation des droits de l'homme. Je vois souvent à la télévision et j'entends parfois à la radio que la police présente publiquement des gens qu'elle accuse d'infractions. Je ne suis pas juriste, mais j'entends parler de présomption d'innocence quand la justice n'a pas encore tranché. N'est-ce pas une violation des droits de l'homme? S'il arrive que la justice la quitte, n'a-t-elle pas besoin d'être dédommagée? J'avais des questions, mais l'une vient d'être posée par l'honorable Terence. Elle est relative à des gens que la police montre au public. Sur ce, Dr Sixte Vignine Mouraba, président de la CNIDH, appelle plutôt les représentants du peuple à poser cette question au ministre concerné. Nous rapporte que la police présente des gens accusés d'infractions à la télévision. À la CNIDH, nous savons que seule la justice peut le faire et non pas la police. Pour la justice, c'est ce qu'on appelle peine complémentaire, c'est-à-dire qu'on ajoute une autre peine en cas d'infraction grave. Sur ce cas, je demande à vous les élus du peuple de poser cette question au ministre concerné pour plus de précision. Durant 2020, les saisines et autosaisines sont chiffrées à 304 et 180 dossiers ont été clôturés selon le président de cette commission. Mireille Kanyange. Les utilisateurs d'Internet en mairie de Bujumbura se plaignent de la hausse des tarifs des bouquets Internet, alors que le débit de la connexion reste faible. Ceux qui se sont exprimés au micro-baladeur de la radio Isanganiro soulignent qu'ils n'ont pas été informés sur cette hausse de tarifs. On les écoute au micro d'Yvette Nijimbele. Les tarifs des bouquets Internet chez les sociétés de télécommunications ont été rehaussés, ce qui ne nous permet pas de bien nous connecter parce que 200 francs qu'ils ont ajoutés sur le 1000 francs qu'on étudie, c'est pas aussi facile de trouver 1200 au lieu de 1000 francs. Avant, on payait 1000 francs pour avoir un bouquet pour une semaine et c'est cher. Je trouve que c'est cher. Je ne dirais pas qu'ils ont revu à la hausse les prix, mais ils ont préféré diminuer ce qu'ils nous donnaient à un prix donné. Par exemple, si à 5 000, tu pouvais terminer tout le mois, maintenant ce n'est plus possible, tu dois ajouter de l'argent parce qu'ils ont diminué les mégas qu'ils nous donnaient à 5 000. Personnellement, les prix n'ont pas été élevés, mais plutôt la connexion est faible, mais elle est aussi de mauvaise qualité. Sur ma connexion, il y a des heures où je ne reçois plus de connexion. La connexion se coupe, la connexion est faible, on ne sait pas ce qui se passe. Tu téléphones au service clientèle, on te dit d'attendre. La réponse, tu n'as pas de réponse, tu ne sais pas ce qui se passe. J'active 10 000 pour 14 gigas. Mais le problème, c'est que après quelques jours, on m'envoie un message pour me dire que mes gigas sont déjà expirés. Or, je sais bien que je n'utilise pas assez cette connexion-là. Ils prennent mes mégas avant leur date d'expiration. C'est censé durer un mois, mais après quelques jours, tu peux recevoir un message te disant que tu as déjà expiré ton bouquet. Et quand tu appelles, le week-end passé, ça m'est arrivé, j'ai appelé. Puis, ils ne m'ont pas répondu, tout simplement, tout le week-end. Lundi, j'ai rappelé. Puis, il y a un monsieur qui m'a répondu. Il m'a vraiment parlé comme si vraiment je le dérangeais. J'ai même ressenti que je le dérangeais. À l'époque, quand ils voulaient changer quelque chose, ils envoyaient les messages au client. Même maintenant, ils ne l'ont pas fait. On ne sait pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Sur ce, le directeur général de l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications, Dr Samuel Mouhidzi, promet de suivre de près les tarifs des bouquets Internet. Et quant à la connexion Internet qui est lente, il signifie que la connexion Internet dépend de l'endroit et des heures d'utilisation. Après une courte pause, la suite de ce journal. Vous n'avez pas Isanganilo? Vous ratez l'essentiel. 13h passées de 6 minutes dans les studios de la radio Sanganilo. Poursuivons ce journal en page éducation. 3000 jeunes filles adolescentes, élèves des écoles fondamentales en commune scolaire de Kayanza vont bientôt suivre une formation sur la santé sexuelle et reproductive. Cela a été annoncé ce mardi par Dr Fernand Hakizimana, représentant de l'association Action for Healthy Youth, dans un atelier de formation organisé à l'endroit des directeurs des écoles fondamentales. Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, fait savoir que cette formation sera bénéfique, surtout dans la réduction des grossesses non désirées en milieu scolaire. Patrick Sengiumva à Kayanza. Comme l'a indiqué Dr Fernand Hakizimana, de même que la douce Ingrid Iradukunda, tous représentants de l'association Action for Healthy Youth, les enquêtes menées en 2019 ont montré que beaucoup de jeunes filles scolarisées qui abandonnent l'école étaient en âge d'adolescence et étudiaient au cycle fondamental. Ils ont précisé que, par exemple, au cours de l'année scolaire 2018-2019, 191 filles ayant abandonné l'école, 103 étaient du fondamental et de la commune scolaire Kayanza. D'après Dr Fernand Hakizimana et la douce Ingrid Iradukunda, c'est dans cette optique que trois jeunes filles adolescentes scolarisées, ayant l'âge variant entre 15 et 19 ans et étudiant à 39 écoles fondamentales de la commune scolaire Kayanza, subiront très prochainement une formation sur la santé sexuelle et reproductive. Les représentants de l'association Action for Healthy Youth espèrent que cette formation permettra la réduction des grossesses non désirées en milieu scolaire. Ils ont annoncé qu'ils prennent l'exemple des pays comme le Kenya, le Ghana et le Bénin, où de tels enseignements ont été donnés à de jeunes filles adolescentes scolarisées et que les résultats ont été satisfaisants. Les directeurs des écoles fondamentales qui étaient conviés à cet atelier de formation du lancement de cette campagne se sont dit réjouis de cette initiative de l'association Action for Healthy Youth d'intervenir dans la réduction des grossesses non désirées en milieu scolaire. Abondant dans le même sens, Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, demande pourtant aux parents de ne plus relâcher en matière de l'éducation de leurs enfants, mais plutôt de multiplier des séances de dialogue avec eux, surtout ceux en âge d'adolescence. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiumva pour la radio Sanganil. Merci Patrick Nsengiumva. Dans la même rubrique, passons de Kayanza et rendons-nous à Kirundo, où plus de 9000 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés depuis le début de cette année scolaire. La pauvreté des familles, les maladies, l'échec scolaire et les grossesses non désirées sont pointées du doigt comme étant à l'origine de ce phénomène. Les directeurs des écoles, en particulier les écoles fondamentales, sont appelés à collaborer avec les administratifs dans la sensibilisation des parents et des élèves dans le but de lutter contre ces abandons scolaires. Abraham Safari. Les élèves qui ont abandonné l'école aux écoles fondamentales de la province de Kirundo sont au nombre de 9011 depuis le début de l'année scolaire 2020-2021. Parmi eux, 4196 sont des filles et 4824 sont des garçons. Ces chiffres ne sont pas définitifs. Le rapport du deuxième trimestre n'est pas encore confectionné car c'est le début de la rentrée scolaire du troisième trimestre selon les conseillers à la direction provinciale de l'enseignement à Kirundo. Comme le signale le directeur provincial de l'enseignement, Leandre Nkunzimana, les causes de ces abandons sont essentiellement la pauvreté au sein des familles, les maladies pour les élèves, les échecs scolaires, les grossesses non désirées où 9 filles ont été engrossées. Les communes qui arrivent en premier lieu sont Busoni qui enregistre elle seule 2029 cas d'abandon dont 952 filles et Bugabira 1533 dont 758 filles. Ces deux communes sont également secouées par des perturbations climatiques qui causent la famine et celle-ci engendre le départ de quelques familles vers ailleurs dans les autres communes ou provinces. Le directeur provincial de l'enseignement à Kirundo demande toutefois la bonne collaboration des directeurs avec l'administration pour sensibiliser les parents ainsi que leurs élèves à continuer l'école malgré les difficultés. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. Merci Abraham Safari. Un militaire du grade de caporal-chef du 212e bataillon commando a tiré 3 balles au niveau de la poitrine sur un jeune homme du nom de Jean-Marie Nshimirimana, âgé de 33 ans, qui se trouvait dans son cabaret situé à la 9e avenue de la colline et zone Wulinga, commune Gihanga, province Bubanza. Ce crime s'est déroulé vers 20h30 dans la nuit de ce mardi. La victime a rendu l'âme sur le champ. Le mobile de son meurtre serait une mésentente concernant une carte mémoire vendue à la victime par ce militaire. Le cadavre a été évacué vers la morgue de l'hôpital militaire et l'auteur a été appréhendé, se trouve entre les mains de la police à Gihanga pour enquête et ouverture d'un dossier judiciaire. En réaction, le ministre ayant la défense dans ses attributions appelle les militaires à éviter la fréquentation des bistrots dans le but de se prévenir de commettre des meurtres comme ceux observés ces derniers jours. C'était ce mercredi lors de la présentation des réalisations du troisième trimestre de l'année budgétaire 2020-2021. Écoutez Alain Tribert et Moutabadi, ministre de la Défense. Concernant les actes ignobles ou les tueries, les actes barbares perpétrés ces derniers jours par certains militaires, où il y a même un officier parmi ces militaires qui ont commis ces forfaits. Premièrement, c'est que la force de défense nationale du Burundi est encore composée de plusieurs membres. Ça peut arriver qu'un ou deux ou trois parmi ces membres du corps de défense nationale du Burundi peut déraper et commettre des forfaits. Mais ce qui est important, c'est que si un militaire de niveau s'il commet un forfait, il est puni, il est sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Et c'est pourquoi même ces militaires qui ont commis ces actes de tuerie ont été jugés par les juridictions militaires compétentes. Lors de la présentation de ces réalisations pour le troisième trimestre de l'année budgétaire 2020-2021, le ministre de la Défense fait savoir que les travaux d'amélioration d'alimentation en eau potable et d'électrification des sites abritant les anciens combattants arrivent à une étape satisfaisante. Les détails avec Didier Nyonzima. Lors de la présentation des réalisations du troisième trimestre du ministère de la Défense et des anciens combattants, le ministre Alain Tribert Moutabazi a demandé au commandement d'être près des militaires pour qu'ils puissent garder l'éthique et la déontologie professionnelle. Et je lance un appel premièrement au commandement d'être toujours à côté des militaires dans les causes morales pour que les militaires gardent toujours l'éthique et la déontologie des militaires. Parce que nous savons et on sait que les militaires burundais sont bien vus par la population burundaise, même à l'échelle internationale. Le ministre demande aux militaires retraités d'adhérer dans les coopératives pour leur autodéveloppement. Il précise que le processus d'alimenter l'eau et l'électricité dans les sites qui hébergent les anciens combattants vont bon trait. Concernant les handicapés de guerre regroupés dans les salles, dans différents centres, que ce centre des handicapés de guerre n'a pas d'eau, et peut-être que ce centre n'a pas avoir aussi d'électricité, qu'il y a aussi un manquement au niveau de leur souhait de santé. Là, je peux vous garantir qu'à travers le ministère de la Défense nationale des anciens combattants, tous les problèmes que les sites de ces handicapés de guerre, que ces anciens combattants connaissent, sont en train d'être étudiés ou de voir comment trouver la solution, que ce soit l'alimentation en eau potable ou l'électrification grâce aux panneaux solaires. Parmi les perspectives d'avenir, le ministère ayant la défense et les anciens combattants dans ses attributions compte mettre en place une loi régissant les anciens combattants. Merci Didier Nyonzima. SOS à présent, plus de 5 millions de francs burundais constituent le montant nécessaire que Christ Kadel Kayege, un enfant d'un an souffrant d'une malformation cardiaque, puisse être transféré en France pour des soins. La mère de cet enfant dit qu'elle fait beaucoup de consultations, mais en vain. Elle demande à toute âme charitable de lui venir en aide pour sauver la vie de son enfant. Lydie Gahimbari. Kege Chris Kadel, un enfant d'une année, est hospitalisé à l'hôpital Roi Khaled de Bujumbura. Sa mère dit que son fils était souvent maladif, mais qu'elle ne savait pas de quoi il souffre. C'est après les examens qu'on a trouvé que son fils souffrait d'une malformation cardiaque. Ses parents se sont adressés au centre Bon Samaritain qui aide pour le suivi des soins des enfants qui ont des problèmes cardiaques. Ce centre permettre à appuyer cette famille dans la recherche des documents nécessaires, ainsi que le logement en France où on prévoit transférer cet enfant. Et les parents de cet enfant doivent disponibiliser une somme de plus de 5 millions de francs bou pour le billet d'avion. Cependant, la mère de cet enfant dit qu'elle est incapable d'avoir cet argent. Elle demande une aide à celui ou celle qui peut afin de sauver la vie de son fils. Il est prévu que cet enfant serait transféré en France le 15 juin de cette année. Celui qui veut contribuer peut passer à la radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Une fausse information se répand plus vite car elle est exagérée. Adrien Sindaïgaya, journaliste formateur, sensible au conflit, explique que les créateurs de ces informations ont des intérêts cachés et passent par plusieurs moyens pour arriver à les défendre, notamment l'intimidation afin de faire peur à la population. Selon ce journaliste, sanctionner exemplairement ce crime est l'un des meilleurs moyens de décourager ce comportement. Ornella Mucho. Les fausses informations suscitent la curiosité car elles sont exagérées. Adrien Sindaïgaya, journaliste formateur sensible au conflit, fait savoir qu'il y a plusieurs intentions et objectifs de ceux qui fabriquent ce genre d'informations. Il y en a qui le font pour leurs propres intérêts, il y en a qui le font pour nuire à l'autre qu'ils considèrent comme l'ennemi. Il y en a qui le font juste pour se venger, parce qu'ils se disent « je vais me venger ». Parfois, il y a des intérêts pour les gens qui le font, parce qu'ils veulent affaiblir l'autre et profiter de l'occasion pour trouver ou sécuriser leurs propres intérêts. Les réactions des auditeurs, téléspectateurs ou lecteurs peuvent être diversifiées, dépendamment de l'ampleur ou la nature de l'information ou de la personnalité de la personne accusée. Adrien Sindaïgaya signale que les fausses informations ont provoqué des violences de masse dans différents pays, dont le Burundi, dans leur histoire du passé. L'information peut être tellement sensible que la personne qui la reçoit n'arrive pas à se retenir. Si on vous accuse de criminalité, si on vous accuse de viol, il y a des choses difficiles à tolérer parce que c'est trop. Ça peut provoquer des violences de masse si c'est un groupe qui est visé. Nous l'avons vu surtout pendant des contextes politiques où il y avait des manipulations ethniques, par exemple. Quand c'est un groupe visé, il peut y avoir des ennuis parce que les manipulateurs l'ont fait comme ça. Il peut y avoir des problèmes liés à de fausses informations. Nous l'avons vu dans plusieurs pays, y compris au Burundi, en Côte d'Ivoire, dans pas mal de pays où les manipulateurs de l'information créent des conflits interethniques, intergroupes. Selon lui, punir exemplairement, c'est le moyen de décourager son comportement. Si on aime les autres comme on s'aime, je pense qu'on ne fera jamais de mal. La deuxième chose, c'est qu'on arrive à punir ceux qui sont derrière cette propagation de mauvaises informations, de fausses informations, parce que dans une situation d'impunité, plusieurs d'autres gens vont le faire. Et ceux qui le font vont penser que ça ne nuit à personne, que c'est même bien, et ils vont continuer à le faire. La troisième piste, c'est d'apprendre aux gens comment gérer l'information quand elle est trop sensible, de prendre son temps pour chercher des sources d'informations. Parce que quand l'information normalement est fausse, elle n'est pas bien sourcée. Or, on devrait apprendre aux gens où aller chercher l'information à la vraie source pour vérifier si ce qu'on nous a raconté est vrai. Il insiste toujours à ce que la population prenne le temps de vérifier si l'information est vérifiée et est donnée par des vraies sources. Eh bien, ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Armel Moutore, j'étais au micro en collaboration avec Alphonse Koubguiman à la cabine technique. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée. Au revoir.